Il a deux enfants, Jacob et Ésaü. Jacob grandit à son tour. Il a 12 fils. Le plus jeune, Joseph, reste toute la journée près de son papa. Ses grands frères, eux, travaillent dur dans les champs. Ils disent que Joseph est le préféré. Les frères de Joseph se moquent de lui et lui font du mal. Un jour, ils sont tellement jaloux qu'ils le jettent au fond d'un puits. Regardez, une caravane de marchands égyptiens. Sortons Joseph du puits et vendons-le. Bon débarras. Jacob est désespéré. Il croit que Joseph est mort. Mais Dieu veille sur lui. Joseph devient l'ami du roi d'Égypte, le pharaon. Un jour, il y a une grande famine. C'est Joseph qui distribue la nourriture. Soudain, dans la foule, il reconnaît ses frères. Il court les embrasser et il leur pardonne tout. Les frères de Joseph s'installent en Égypte avec leurs femmes, leurs enfants et tous leurs serviteurs. Cette grande famille forme le peuple des Hébreux.